je partais, que resterait-il de nous? Tout ce que l'on a fait, toute notre vie oubliée de tous. Si demain je mourrais sans raison, sans rien qui prévienne, du tout, tout ce monde oublierait la seule raison de nous. Je voulais juste un échange d'amour. Portée.